Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la troisième saison déjà de la mécanique des ondes pour cette saison 2017-2018. Bienvenue à toutes et à tous sur Fréquence Protestante. On est parti pour trois quarts d'heure ensemble pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. Alors aujourd'hui, on commence cette nouvelle saison avec de belles voix et avec surtout ce qu'on peut appeler l'avenir de la radio, peut-être. Je veux parler bien sûr du futur de la FM, c'est la RNT, la radio numérique terrestre. Et pour parler de tout cela, j'ai invité le président et le directeur d'antenne de Kroneur Radio. Bonjour Jean-Baptiste Tuzet. Bonjour Céline. Je suis très honoré parce que j'ai vu le palmarès dans votre émission. Vous recevez toutes les grandes pointures des médias. Merci de me recevoir. Ben, je vous en prie. Bienvenue sur Fréquence Protestante. Alors première question traditionnelle de l'émission. Vous êtes au micro d'une radio associative. Je voulais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Oui, moi je viens du grand service public, je viens de Radio France, France Inter, France Info, France Bleu, c'est une radio de service public. Et voilà, je dirais que les radios associatives me font penser au service public, et d'ailleurs, j'étais très heureux, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, pour la RNT, nous étions allés avec les gens du SNRL, du syndicat des radios associatives, voir Jean-Luc Hess, le président de Radio France, et je sentais bien que nous étions là en symbiose. Voilà, parce que les uns et les autres, nous faisons cette radio libre, gratuite, et qui donne aux gens un point de vue, qui donne aux gens un sentiment, et il faut à tout prix préserver cette radio. Jean-Baptiste Tuzet, je vais revenir, je vais faire peut-être encore un bond en arrière. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la radio, et à quel âge vous avez su que vous en feriez ? Moi, je voulais faire du cinéma. Et puis, j'ai eu le plaisir de faire mon service militaire, c'était encore l'époque, au cinéma des armées, à l'ECPA, aux établissements cinématographiques et photographiques des armées. C'était un lieu magnifique, avec des gens charmants. Et il y avait un monsieur qui était exceptionnellement élégant, qui était à l'auditorium du Fort d'Ivry. Je les salue d'ailleurs au passage, parce que c'est une très belle... Premier producteur de courts-métrages en Europe. Et voilà, et ça m'a... J'étais bien dans cet auditorium. Et peu après, voilà, un petit stage à l'INA, à l'Institut National de l'Audiovisuel, et ensuite une possibilité de postuler pour être technicien du son à Radio France. Alors je suis allé là-bas, le type était charmant, Pierre Gors, j'aime bien citer les gens, surtout les gens gentils, et il m'a dit avec son accent, bon ben t'as pas tellement le profil, t'es un petit peu littéraire, là t'as envie de faire des scénarios, mais je te prends quand même. Et je me suis régalé, j'ai appris le mixage, le montage, j'étais dans cette grande maison, qui est une merveilleuse maison, on m'a appris le montage, on m'a reçu, on m'a éduqué, c'était formidable. Et un an après, très vite, je me suis mis à mixer dans mon coin, je mixais mes propres émissions, mais comme je pouvais pas être en même temps au micro et derrière, alors je lançais la bande, je courais, je me mettais dans le studio et je faisais mon émission comme ça. Et puis un jour, le directeur de France Inter, qui s'appelait Jean Garetto, qui avait des origines italiennes, il entend ma petite maquette que j'avais fait avec des crooners, avec Frank Sinatra et tout, alors tout ça, ça lui parlait fort. Et il m'a engagé, il a appelé le directeur de la technique, il a dit, écoute, je te prends un gars, je te le prends au programme. Et voilà, et j'ai fait un congé, je sais plus comment on dit ça, sans solde, et je suis parti du statut, parce que j'étais parti pour être technicien du son, et je suis devenu producteur avec tous les dangers que ça comporte. Oui, alors justement, vous proposez cette maquette parce que le micro, ça vous attire ? C'est pas vraiment le micro. Je voulais créer un film à la radio. Et c'est ce que j'ai fait. Et tout ce que j'ai fait à Radio France, ça a été de créer des films, des émissions très fabriquées, avec des voix, des sketchs, de la musique. C'est-à-dire, on ne peut pas proposer un disque et parler de la production de l'album. Non, il faut raconter une histoire. Et il faut qu'à la suite de l'histoire, quand le disque arrive, il faut qu'on l'attende comme on attend le printemps. Il faut que ce soit un film. La radio, c'est un média qui ne coûte pas énormément cher, techniquement maintenant. Mais par contre, dans le travail qu'on y fait, dans le travail de production, j'entendais là à l'instant votre très beau générique, ça y est, on rêve. On est dans un film. Avec 10 personnes, on peut faire rêver un pays entier à la radio. Et c'est ça que j'aime, cette acception cinématographique. Et Jean Garretto, il l'a perçu du coup dans votre maquette, ça. Ah bah oui, lui, il m'avait même mis, je me souviens à un moment, il m'avait programmé à 00h30. C'était un peu tard, parce que c'était... Chose impossible aujourd'hui. Mais non, mais pourquoi? Parce que c'était l'heure où il prenait un scotch. Alors... J'ai pas parlé d'alcool, hein. Il se détendait, il devait peut-être allumer un cigare, et il écoutait Crooner. Et alors, ce qui était très drôle, c'était que c'était son moment à lui. Il m'avait permis d'enregistrer, et tous les matins, il me dit, ah, là, c'était bien, là, c'était formidable, c'était pour un jeune, j'avais 24 ans, c'était extraordinaire. Et ce qui était très amusant, c'est que beaucoup de jeunes qui révisaient le soir, qui révisaient leurs examens, écoutaient ma première émission sur France Inter qui s'appelait Crooner. Voilà. Ça leur permettait de se détendre un petit peu ou de pouvoir travailler en même temps? Oui, de découvrir autre chose. Parce que sur 100% de la musique populaire mondiale, hélas, à la radio actuellement, il doit y avoir que 15% qui est exploité. Je ne parle pas du grand service public, je ne parle pas de radio thématique, comme nos amis de TSF Jazz, qui font un excellent travail. Je ne parle pas de vous, où je suis sûr qu'il y a une variété musicale chez vous. Donc vous avez 24 ans, vous commencez donc à Radio France, on va dire, voilà, vous avez quand même une émission, toutes les semaines, tous les jours? Oui, toutes les semaines, tous les jours, j'ai un petit peu tout fait. Et puis à un moment, il y a eu une première, comme ça, une première période. Et dans la deuxième période, et je me souviens, là, c'était l'arrivée de Jean-Luc Hess. Et entre-temps, je m'étais un peu aguerri à l'animation, parce que j'avais eu, vous savez, à Radio France, on n'est pas candidat pour la décennie. Hein. Quand on est producteur et animateur, s'il y a un changement, on est sujet à partir. Et j'étais parti à un moment. Et j'ai appris l'animation en public. Et quand je suis revenu, on m'a confié ce côté battleur qu'ils avaient senti chez moi. Et on m'a confié, ils voulaient des émissions en public, qui reçoivent le public. Et alors là, on a monté un truc complètement fou qui s'appelait JB et les Cybernanas, avec un orchestre, avec des co-animatrices qui chantaient, qui parlaient à l'unisson, qui faisaient plaisir aux artistes. On était en quelle année? Là, c'est les années 2000. C'était la fin de ma période France Inter avant de partir. Alors ensuite, il y a eu un peu de France Info, France Bleu, même France Culture, France Musique. Et puis après, il y a eu cette longue aventure de la radio numérique terrestre qui dure maintenant depuis trop longtemps. Mais c'est normal. Vous savez. Quand vous allez à Radio France, il y a un musée, qui est le musée de la radio. Et j'avais été surpris de voir des récepteurs de radio qui dataient de 1967 et qui étaient FM. Alors que la FM n'est arrivée en France qu'en 1981. Donc vous voyez donc, la radio numérique terrestre, l'avenir de la radio existe depuis mes 20 ans. Mais ça ne démarre que maintenant. Voilà, c'est comme ça. C'est un phénomène de ludisme, c'est un phénomène de concentration, c'est un phénomène de crainte, c'est un phénomène commercial. Hein. Les grands n'ont pas envie que les petits arrivent, qu'il y ait une nouvelle radio, c'est normal. C'est la marche des choses. Alors Jean-Baptiste Tuzet, on va en parler de tout ça. Juste après la première pause musicale, qu'est-ce que vous avez choisi? Ah oui, pour commencer, une fierté, parce que maintenant que les choses se mettent en place, que la radio Crooner s'installe, comme d'autres radios sur ce nouveau moyen de diffusion libre, gratuit, hertzien, équivalent à la TNT, on commence à prendre du plaisir, on commence à interviewer des gens, à faire des émissions structurées, comme vous le faites si bien. Et une grande joie, ça a été d'interviewer, et on lui envoie tout notre amour, Johnny Hallyday, qui est un grand artiste français. Voilà, un petit extrait de la radio sur votre radio. Ben c'est, et puis derrière, une chanson religieuse. Émission spéciale Les Vieilles Canailles. Avec Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Une heure de bonne musique et de plaisir partagé. Alors Johnny, à vous de commencer. Qui sont vos idoles? Tony Bennett, Tom Jones, Sinatra? Oui, Tony Bennett, Tom Jones. Moi, j'ai surtout été marqué par Elvis, parce que Elvis était un chanteur hors norme et que c'était un crooner, quelque part, même en étant un chanteur de rock'n'roll. C'est le rock'n'roll qui l'a lancé, mais c'était surtout une superbe voix et c'était un crooner formidable. D'ailleurs, j'avais rencontré sa femme à Los Angeles et qui m'avait dit que son rêve à lui, ça aurait été d'être chanteur d'opéra. If I have wounded any soul today, if I have caused one's foot to go astray, if I Cela fait 40 ans qu'il nous a quittés, tout pile. Le King est sur Fréquence Protestante dans la mécanique des ondes. C'est le choix de Jean-Baptiste Tuzet. Alors justement, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est un crooner? Alors un crooner, le crooner à l'origine, to croon, ça remonte à l'histoire de la radio. Ça tombe bien. Nous sommes dans la fin des années 20, début des années 30 en Amérique. Et la radio s'installe, le microphone arrive, et les chanteurs avant étaient ce qu'on appelle des beuglants, c'est-à-dire ils chantaient sur des porte-voix, tandis que l'orchestre jouait derrière, il fallait qu'ils chantent, mais vraiment très très fort, et si possible avec un porte-voix pour qu'on les entende. Et puis voilà qu'arrive le micro, et voilà qu'arrive le micro à la radio, et là il y a des gens tels que Bing Crosby, le chanteur, qui s'aperçoivent qu'en se rapprochant du micro, en fredonnant, il crée ainsi une relation d'intimité avec les jeunes femmes, les jeunes filles, qui écoutaient la radio le soir. La radio qui remplaçait l'écran de télévision, on est bien d'accord, qui écoutait la radio le soir et qui avait l'impression qu'à elle seule, la chanson était destinée. Et là, ces gens-là commencent à comprendre. Dans les enregistrements, c'était pareil. Il y avait l'orchestre, même l'orchestre symphonique, qui jouait 10 mètres derrière. Le type était devant, il pouvait laisser aller sa voix. Donc, il s'est mis à crooner, à susurrer au micro. Et en France, le premier qui a fait cela était un homme qui était aguerri à l'expérience américaine, qui était le chanteur Jean Sablon. Il avait fait une émission de radio aux États-Unis, Coast to Coast, donc qui couvrait une partie des États-Unis. Et à 7h30, quand l'orchestre attaquait, il disait « bonsoir ». C'est Jean Sablon qui vous dit « bonsoir » avec l'orchestre. Et il fredonnait un truc à la française. Et les gens étaient sidérés. Ils s'arrêtaient parce qu'il y avait déjà, au tout début, la radio embarquée est arrivée très rapidement. Les gens s'arrêtaient à 7h30. On écoutait le crooner et l'orchestre. Et il a retenu tout cela. Et quand il est arrivé en France, il s'est mis à chanter des chansons où il modulait sa voix sur le micro, à tel point que les gens ne comprenaient pas, ils pensaient qu'il n'avait pas de voix. Et on l'appelait, d'ailleurs il y avait des surnoms très rigolos, on l'appelait le petit caleçon court, jeu de mots. Et très vite, on s'est aperçu que l'usage du micro pouvait donner une variété absolument extraordinaire, sans élever la voix, sans brailler, sans scrimer, sans hurler. Alors justement, on parle voix. Alors Jean-Baptiste Tuzet, il y a une tradition dans cette émission. Les invités posent une question aux invités suivants. Et normalement, je le passe en fin d'émission, cette question. Mais là, il faut que je la passe maintenant parce que l'invité précédent, c'était Sylvain Gir, le directeur de Arte Radio. Et ben, il a une question pour vous. Jean-Baptiste Tuzet, bonjour. Moi, j'ai commencé l'émission en disant que j'avais un physique de radio et vous avez une voix de radio. Qu'est-ce que c'est une voix de radio et quelle est la vôtre ? Alors, mon cher, quand j'ai débuté à France Inter, je n'avais pas du tout une voix. La voix de radio, c'est le grain. On disait au cinéma que quand Rému parlait devant le micro, il faisait, comme on dit grossièrement, péter les vues-mètres, tellement sa voix accrochait le micro. Moi, je peux vous assurer que la mienne, au tout début, n'accrochait absolument rien du tout. Il m'était même arrivé de parler en public. Vous savez, c'est toujours... vous êtes dans une assemblée, il y a des gens qui sont des directeurs d'entreprise, et puis, on leur donne le micro, ils parlent, on ne les entend pas. Et juste après, il y a l'animateur qui reprend le micro, et dès qu'il parle, tout le monde l'entend. Alors donc, c'est exactement comme le retour d'image à la télévision. Vous faites une première émission, vous regardez, mon Dieu ! Mais j'ai des tics, ça ne va pas, je ne passe pas bien à l'antenne. Et petit à petit, très vite, au bout d'un mois, à force de se réentendre et de se voir, votre physique devient un physique de télévision et votre voix devient une voix de radio. Il n'y a pas de recette à part, je connais des chanteurs qui fument le cigare ou je sais pas, ou qui boivent, mais moi je vous assure que je n'ai pas fait ça. J'ai juste travaillé le grain de ma voix et puis ça vient tout de suite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une fierté. Ma voix accroche à peu près le micro. C'est pas mal ça. C'est juste le temps passé et l'expérience. Et les directeurs d'antenne qui vous débriefaient, qui vous ont fait avancer ? Non, honnêtement, non. Pas sur ce point-là. Pas sur la voix, mais peut-être sur la façon de construire l'émission, la façon de s'exprimer ? Non, on m'a toujours laissé, j'étais un peu l'électron libre, on s'est dit, il faut pas le contrarier, il faut le laisser faire son truc, c'est bien comme ça, voilà. Vous avez fait presque toutes les antennes à Radio France ? Oui, mais surtout France Inter, et puis un petit peu de France Info. J'ai un très bon souvenir de Patrick Roger, là, qu'on entend sur beaucoup de radios et qui a vraiment un grand talent. Voilà, j'ai été éduqué aussi beaucoup à France Inter par Jacques Santamaria, qui est un homme remarquable, qui est un grand auteur de romans, de scénarios, scénariste, réalisateur, producteur de séries pour France Télévisions. Je crois me souvenir que la très belle série des Maupassant, c'était lui qui l'avait signée. Et ce côté cinématographique de mon travail, bien sûr, l'avait touché. En quelle année vous quittez Radio France ? Pour tout vous dire, pas vraiment. Parce que j'y ai toujours beaucoup d'amis. Et j'ai fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, alors jusqu'à il y a 4 ans, j'ai fait des choses. Après, j'ai travaillé un petit peu sur RTL. Ça a été un grand plaisir. Parce que, bien sûr, Radio France, c'est une école. C'est une très belle école. Mais moi, j'ai toujours aimé l'entertainment. J'aime la convivialité. J'aime le côté battleur à l'antenne. Et j'adorais RTL, je pense entre autres aux émissions de mon confrère Eric Jean-Jean, ouais. Et puis les émissions du soir. Oui, j'étais fasciné par cet animateur du soir, à l'américaine, avec ses jingles, avec sa manière de dire « Vous écoutez WRTL et maintenant nous allons écouter de la country. This is George W. Lang. » Alors, c'est formidable, ça. Jean-Baptiste, il y a beaucoup, pour beaucoup, beaucoup de mes invités, il y en a beaucoup qui ont George Lang en tant que voilà référence. Il y en a qui me l'ont cité beaucoup, mais je tiens à le dire, vous êtes celui qui l'imite le mieux. C'est gentil, j'ai toujours adoré ça. Et ce côté radio à l'américaine, eh bien, à France Inter, ça avait plu. Ça avait plu également, mais RTL, d'abord c'est une bonne humeur, c'était mon expérience d'un été. Nous avons fait une émission avec Francis Cabrel, qui était mon co-animateur. Voilà, et c'était, ça s'est fait absolument naturellement comme ça, c'était très amusant. Et je me suis aperçu qu'il y avait une très bonne ambiance dans cette radio, ça c'est important. Ce qui est un peu dommage, mais ils vont y arriver. Ils vont bien sûr émettre bientôt, ils vont passer, comme tout le monde, à l'équivalent de la TNT pour la radio, bien sûr. Alors, vous l'avez plus ou moins introduit, on va passer à votre deuxième choix musical pour parler ensuite RNT. Alors Jean-Baptiste, vous avez choisi quoi? Ah oui, c'est marrant, on parlait de Francis Cabrel, alors je lui ai demandé des trucs invraisemblables, mais il est tellement sympathique et il aime beaucoup la radio. Il faut savoir que c'est un passionné de radio. Donc ça, c'est imaginer, on est à Noël... Et on fait nos courses de Noël avec Francis Cabrel et c'est une promo pour la RNT. Oh Francis, comment tu vas? Ça va et toi? T'es à Paris? Mais tu fais tes courses de Noël ou quoi là? Ben tu vas rire, je viens d'acheter un poste de radio RNT. TNT Francis, TNT. Non, RNT, pour écouter la radio en numérique avec un super son et des images en couleur. Et en plus, il y a la FM. Mais ça c'est bien, je savais pas que t'étais accro aux nouvelles techno. Ben c'est surtout que j'aimerais bien entendre des choses un peu plus variées à la radio. Alors je me suis dit qu'avec la RNT, il y aurait plus de radio, donc plus de chances d'entendre des gens qui ont plein de talent et qui passent jamais à la radio. By me, Mr. Shane, I'll let me explain. Oh, by me, Mr. Shane means that you're grand. I try to explain again and again, means you're the fairest in the land. I could say Bella Bella, or even seven to Barish language. Only how's me tell ya how grand you are. I try to explain again and again, so kiss me and say you'll understand. Shame, oh let me explain. Oh, by me, Mr. Shane means that you're grand. I try to explain, oh, again and again, means you're the fairest in the land. I could say, oh, Bella Bella, or even simple the Barish language. Only how's me tell ya how grand you are. Oh, I try to explain again and again, but you may say you'll understand. Kiss me, say you'll understand. Kiss me, say you'll understand. Toujours sur Fréquence Protestante dans la mécanique des ondes de Jean-Baptiste Tuzet, qui est le directeur de Crooner Radio. Alors, Jean-Baptiste, quel est ce chanteur avec cette version de Buy Me a Miss Duchesne? C'était un monsieur extraordinaire. Alors, je vous raconte vite fait l'histoire parce qu'il faut qu'on parle de choses sérieuses, mais c'est sérieux. Nous sommes dans un petit cabaret aux alentours de Montmartre, rue Caulaincourt, il y a plus de 20 ans. Je rentre dans ce cabaret avec une amie d'Arte, tiens, c'est une manière de Evelyne Coco, pour ne pas la citer, qui est... voilà, le directeur d'Arte nous a parlé, je lui réponds, on aime leur travail. On rentre il y a 20 ans dans ce petit cabaret, et là il y avait Serge Camps, qui était un des pionniers du jazz manouche, qui jouait avec Frank Anastasio, avec d'autres musiciens, et il y avait une ambiance cosmopolite là-dedans, il y avait des bohèmes, sûrement des voyous, des filles faciles, des étudiantes, il y avait de tout. Il régnait une ambiance extraordinaire. Et tout d'un coup, un type arrive avec le visage de Mel Brooks. Il avait une gueule extraordinaire de cinéma. Il aurait pu être un mafieux italien. Il arrive avec une dame un peu enguirlandée, qui était son épouse. Et les gars se mettent à jouer ça. Il enlève son manteau et il était en costume, il était extrêmement élégant et il se met à chanter devant tout le monde cette chanson. J'ai été fasciné. Nous sommes devenus amis, je me suis aperçu qu'il était comédien, international, amuseur, qu'il était de passage en France. Et Patrice Lecomte, le cinéaste, l'avait tout de suite repéré, lui a fait faire des films. On peut le voir au cinéma. Eh bien, moi, je lui ai fait enregistrer cette chanson et 10 autres. Et nous allons prochainement sortir cet album avec la radio pour le proposer cette légende aux auditeurs. Hélas, Berti est décédé parce qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Et les revenus de cette vente iront à son épouse, Madeleine, qui l'accompagnait ce beau soir où cette image m'a fasciné. Voilà. Alors, Jean-Baptiste Tuzet, c'est le moment, effectivement, de l'émission où on va parler... vraiment de cette radio numérique terrestre. On vous a entendu dans cette promo antenne avec Francis Cabrel. Tout d'abord, Crooner Radio, cette radio qui émet donc sur la RNT, cette idée de la lancer, ça vous vient quand ? Alors, cette idée m'est venue de la manière la plus noble possible, puisque l'un des PDG de Radio France, qui était Monsieur Roland Faure, appuyé ensuite par Michel Boyon, qui était le président du CSA et qui avait été également l'un des directeurs de Radio France, ils m'ont dit écoutez Jean-Baptiste, vous avez depuis longtemps l'envie de créer une radio qui prête à rêver, avec ces grands chanteurs internationaux, avec ce point de vue, avec cette ambiance si particulière, vous avez une opportunité, car la radio, le média radio est en train d'évoluer comme a évolué récemment le média télévision. Vous vous rendez compte ? Imaginez qu'on regarde, on vous remet aujourd'hui dans votre salon, une télévision avec l'écran bombé et l'antenne sur le toit, vous savez, avec l'image qui fait un peu de neige. Mais plus personne ne pourrait regarder ça. Et nous en sommes toujours là à la radio, c'est-à-dire nous écoutons la radio FM de qualité analogique avec un son, le son que vous connaissez, avec les brouillages que vous connaissez. Il est temps qu'on passe en radio à l'équivalent de la TNT, c'est-à-dire la radio numérique terrestre, c'est-à-dire la radio hertzienne. Alors, il faut pas compliquer le public, c'est extrêmement simple. Tous les nouveaux postes radio aujourd'hui qui sont en vente, avant, jadis, ils faisaient grandes ondes et FM, ben maintenant, ils font tout simplement FM et DAB, RNT. Alors, les Anglais appellent ça DAB, Digital Audio Broadcast, mais c'est pas de la radio sur Internet, c'est pas la radio qui vous fait consommer tout votre forfait sur votre téléphone avec la 3G, c'est de la radio hertzienne gratuite. Vous avez votre poste radio, que vous soyez comme ma tata à Clermont-Ferrand, ou que vous soyez à Paris, s'il y a une crise, s'il y a un problème, et Dieu sait s'il y en a en ce moment, vous tournez le bouton de votre radio, vous avez vos stations préférées et de nouvelles stations tels que Crooner. Vous avez Radio Fréquence Protestante avec Exactement. Un son de qualité exceptionnelle. Et pour les appareils haut de gamme, vous avez des images maintenant, pas des vidéos, hein, des images qui viennent accompagner le son. Par exemple, quand Caroline Rondeau vous parle, vous avez sa photo. Et croyez-moi, c'est plutôt sympa. Et voilà. Et vous jetez un œil sur le poste radio, c'est très chic. C'est ça la nouvelle radio. Il faut, ne faisons pas misérable, faisons positif. C'est lancé partout, en Allemagne, en Suisse, c'est un succès. Les Italiens, tout le monde s'y met. Et nous étions en avance et nous sommes maintenant en retard. Et le président de la radio au CSA, Nicolas Curien, a bien compris cela. Et il est en train de mettre les bouchées doubles. Donc, nous émettons à Paris. Alors, en ce moment, nous, on va réémettre à Paris parce qu'il y a eu une coupure. Je vous en dirai un mot après, parce que c'est important que le public le sache. Nous émettons à Nice, nous émettons à Monaco, parce que les Monégasques ont voulu Crooner, ça leur va si bien. Et nous allons émettre à Lille. Quand je dis à Lille, c'est pas dans la ville de Lille, mais plus que ça, sur une dizaine d'agglomérations autour, sur les zones de Lille, de Strasbourg, de Lyon, très important Lyon, c'est presque la capitale, et ensuite viendront Rouen, Nantes, Toulouse, les axes autoroutiers, et dans 2 ans, les principales agglomérations françaises. Voilà. Donc je vous encourage tous à acheter nouveau récepteur qui fera toujours FM, bien sûr, hein, parce qu'on va la garder encore un petit temps, cette FM. Mais vous aurez la qualité du son en plus avec le DAB. Voilà, c'est extrêmement simple. Il fallait que tout le monde fasse un effort. Certains pays sont beaucoup plus disciplinés que nous. En Allemagne et en Suisse, ça c'est... Hop, ça s'est fait direct, mais en France, on a un petit peu traîné, bon, ben pour des raisons, c'est un petit peu la faute à tout le monde. Hein. Le gouvernement avait autre chose à faire, le CSA a fait ce qu'il a pu, mais le CSA n'est pas là pour obliger les gens à fonctionner dans une technologie nouvelle. Vous savez, quand on est passé des grandes ondes à la FM, il a fallu plus de 5 années. Les grandes radios en grandes ondes ne voulaient pas voir arriver tout un tas de godelureaux dans le genre de Monsieur Baudecrou et Max Guazzini, des pionniers en FM, ils ne voulaient pas les voir. Et au début, tout le monde se moquait, y compris le gouvernement, de cette histoire. Et après, c'est vrai que Monsieur Mitterrand, en 1981, a ouvert la bande FM. Bon, eh bien, nous y sommes maintenant pour le DAB, et c'est très important, car il s'agit là d'une valeur de service public, une valeur humaniste et démocratique. Alors je vais vous prendre un petit exemple qui va vous rappeler, je le regrette, un mauvais souvenir. Souvenez-vous, il y a quelques mois, au Stade de France, il y a eu un horrible attentat. Les gens, paniqués, ont voulu écouter la radio. Ben alors, on n'a plus son petit poste radio maintenant dans la poche. Qu'est-ce qu'on a ? Le téléphone portable. Ils ont voulu écouter Fréquence Protestante pour avoir les nouvelles. Si vous êtes plus de 500 auditeurs dans le même endroit, et dans un stade, on dépasse largement ce chiffre, à écouter la même radio, il n'y a plus de bande passante. Quand vous écoutez via votre téléphone, parce que sur le téléphone, normalement, il devrait y avoir une petite puce FM ou DAB, mais non. Pour vous faire dépenser encore plus d'argent, la grande industrie de la téléphonie mobile a supprimé pour la plupart la puce de réception des téléphones pour vous faire consommer de la 3G. Eh bien, cela ne fonctionne pas. Quand il y a eu la marche pour Charlie, tandis que les gens cheminaient dans les rues de Paris, ils voulaient écouter leur radio préférée et ils n'ont pas pu le faire car il n'y avait plus de bande passante. Donc, il est très important de préserver la radio hertzienne, c'est-à-dire par la voie des ondes, gratuite, libre pour tous et immédiatement accessible. Et ce qui la remplace, comme la TNT a remplacé la télévision analogique, eh bien c'est la radio numérique terrestre qui est en train d'arriver. Donc, auditeur, où que vous soyez, vous n'avez aucun effort à faire. Veillez bien, quand vous rachetez une automobile, à demander à ce qu'il y ait un récepteur avec le DAB intégré. Oui, maintenant, c'est sur la plupart des modèles. Oui, mais longtemps, on a refilé en France. Il y a une grande marque française qui vendait ses voitures avec le DAB pour l'Angleterre, qui est équipée à 80%, et qui nous refilait avait en France les modèles avec le poste radio FM. Alors ça, c'est pas cool, parce que pendant 5 ans, vous ne pouvez pas écouter les nouvelles stations. Et demandez bien le DAB, c'est une option. Je crois qu'aujourd'hui, les marques françaises ont beaucoup évolué. L'autre jour, on m'a dit que l'option était à 20 euros. Je me suis dit, oh, c'est pas cher, c'est bien. Parce qu'en général, c'est beaucoup plus. Mais voilà, c'est une question de rééquipement, mais automatique. Donc voilà, nous y sommes. Vous voyez, beaucoup de villes sont accessibles maintenant. Et dans les 2 ans, le président Curien à Radio France... au CSA, ce sont deux grandes maisons de services publics. Donc, a fermement adopté ce protocole, et il est indispensable, parce que va-t-il se passer? Nos amis allemands vont arriver en France en voiture, il va y avoir un trou de réception, donc il faut le combler, et nous sommes en train de le faire. Et pour le bonheur de tout le monde, parce que la radio, une fois qu'on a acheté son poste radio, la radio, elle est gratuite. Si vous n'avez pas de forfait illimité, si vous écoutez la radio via votre portable, en une après-midi de bricolage, vous n'avez plus de forfait. Il faut quand même le rappeler aux gens. Maintenant que Radio France s'est engagée à aller sur la radio numérique terrestre, puisqu'un multiplex, c'est-à-dire des places, leur étaient plus ou moins réservées, oui. Vous pensez que ça va accélérer le processus pour les radios privées ? Bien sûr, mais Radio France aurait dû, si elle avait pu, car je connais bien cette grande maison, nous avons un contrat d'objectifs et de moyens, et puis il y a des budgets qui sont alloués ou pas, et c'est vrai qu'à un moment le gouvernement avait un peu oublié tout cela. Bon, Radio France a toujours été innovante. Quand la FM a tardé à arriver en France, il y avait quand même Radio France qui avait lancé France Musique en modulation de fréquence, qui permettait aux amateurs de grande musique, et c'était formidable à l'époque, d'écouter France Musique en stéréo avec un appareil FM, de réception FM qui coûtait assez cher à l'époque. Donc ils avaient été innovants. France Télévisions, c'est grâce à France Télévisions que la TNT a bien démarré en France, parce que personne n'en voulait, surtout pas les grands groupes privés, parce qu'il y avait phénomène de ludisme. Et donc France Télévisions, à un moment, a dit « ben on y va, c'est parti ». Et ensuite, tout le monde a suivi le pas. Et comme d'habitude, qu'est-ce qui s'est passé? Les grands groupes privés ont racheté les petites télévisions qui avaient été pionnières. Et je pense qu'il en sera de même pour la radio. C'est humain, c'est le monde des affaires, c'est le monde difficile dans lequel nous vivons. Vous disiez, Jean-Baptiste Tuzet, il y a eu une coupure sur Paris de la diffusion de la RNT. Oui, alors je voudrais dire, vous savez, nous sommes très positifs. Depuis, d'ailleurs, le CSA nous a nommé un peu de manière officieuse. Nous sommes la radio, un petit peu tête de gondole. Nous sommes la radio qu'on présente pour montrer ce qu'est le DAB. Et ça me fait toujours un grand plaisir. Ça vient couronner 5 ans d'efforts à vide, parce que nous avons dû, quand vous lancez une nouvelle radio, vous savez comment ça fonctionne. Je m'adresse aux auditeurs. La première année, on achète une radio FM. Bon, on a une fréquence FM. La première année, on émet gratuitement pour tout le monde, le temps de construire une audience qui ne se construira, si on a de la chance, que la deuxième année. Mais là, ça fait 5 ans qu'on doit émettre. On a monté une société, on a dû faire évoluer la radio, mais sans audience potentielle, puisque la RNT n'était pas démarrée. Elle a commencé à démarrer, alors on va dire expérimentalement, qu'en 2014. Et donc c'est le prix à payer. Et bientôt, nous sommes prêts, nous allons entrer dans l'autoroute. Bientôt, c'est dans quelques mois, quand le seuil de couverture va être dépassé, plus de 20% du territoire, alors là, la machine va se mettre en branle et l'industrie fabricant, distribuant les postes radio, va se dire, ah ben ça y est, il y a plus de 20%, il y a une obligation, et les équipementiers, normalement, doivent mettre d'office le DAB dans les automobiles et sur les récepteurs. Donc, une grande bataille sera alors gagnée, et puis pour la radio, d'une manière générale, et pour l'intérêt des auditeurs, il faut le rappeler. La mécanique des ondes. Allez, Jean-Baptiste Tuzet, c'est bientôt la fin de l'émission, mais... J'ai pas répondu à votre question. Mais si, c'est vrai, parce exact. Que je m'emballe et tout, je m'emballe. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que le CSA veille toujours à ce qu'on appelle les phénomènes de concentration. C'est-à-dire, vous savez, quand les grands groupes se mettent à acheter des radios, des télés, des journaux, à un moment, ça devient Big Brother, c'est-à-dire il n'y a plus qu'une voix qui parle. Ce que je dénonce aujourd'hui, sans citer de nom, parce que ce sont des gens plutôt sympas, sauf que ce sont de grands groupes privés, financés par des fonds de pension, étrangers et tout ça. Bon, il y a un problème en France actuellement, et il va se résoudre, c'est que dans le domaine de la diffusion, parce que quand vous faites des émissions à la radio, vous les construisez, vous êtes éditeur de programmes comme Radio Fréquence Protestante ou Crooner, mais ensuite il faut bien diffuser, et diffuser c'est de la technologie, c'est des antennes, c'est tout ce système-là. Et il y a en France, il y avait 3 ou 4 diffuseurs qui se faisaient concurrence, et la concurrence, ça fait baisser les prix. Et aujourd'hui, il y a un phénomène de concentration, il n'y en a quasiment plus qu'un. Nous étions associés avec une maison de diffusion qui était très dynamique et qui avait vraiment aidé Crooner, parce qu'ils savaient qu'en nous faisant grandir, ils auraient un client demain intéressant, ils croyaient en nous. Eh bien, ils ont été rachetés il n'y a pas longtemps, et aujourd'hui il y a un phénomène de... il n'y a plus qu'un seul quasiment interlocuteur avec des prix excessifs, et ça, ce n'est pas bien pour faire avancer le projet de la radio, tout comme de la télévision d'ailleurs. Voilà, je ne citerai pas de nom parce que je suis pas là pour ça. Et puis, mais sinon, tous les voyants sont au vert et tout va avancer. Mais enfin, il faut comprendre que pour des nouvelles radios, le temps de s'installer avec ces 5 années de retard, eh bien, c'est une performance. Voilà. Mais aujourd'hui, tout va bien pour Crooner. Nous sommes soutenus. Nous avons été nommés par la Banque publique d'investissement Entreprises innovantes. Enfin, nous avons beaucoup de soutien. Moral, efficace, efficient, et nous avançons. Et je vous souhaite vraiment une bonne continuation, en tout cas Jean-Baptiste Tuzet, et également pour Crooner, on en reparlera en toute fin d'émission. Pour le moment, quelques questions avec des réponses rapides. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Allez, Georges Lang. Salut Georges. Il y a de moins en moins d'émissions d'ailleurs sur RTL, mais bon, ça... Alors vous savez, ce qui est très amusant, c'est qu'à un moment, on a voulu supprimer Georges Lang. Mais à la demande populaire, les auditeurs, on l'a fait revenir. Ça, je peux vous assurer, c'est très rare. Et quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Alors, je vais vous surprendre, aucune. Quelle radio vous réveille le matin? Europe 1. Quelle radio vous endort le soir? À l'été, SF Jazz. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? La voiture. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Ma chambre. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un à retenir? José Arthur. D'accord. Le pire souvenir? Le pire souvenir, non, je n'en ai pas, non. Tant mieux. Non. Et un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? Bien, il y a une école de la radio qui s'appelle le Studio École de France, qui est une très bonne école. Sauf que si vous ne travaillez pas, c'est pas parce que vous allez dans une école de radio que vous allez sortir avec votre diplôme et un boulot en poche. Il va falloir vous débrouiller, il va falloir aller traîner dans les couloirs des radios, il va falloir travailler quasiment gratuitement pour des gens qui montent une radio comme moi. Et bien moi, j'ai le plaisir de vous dire, des jeunes m'ont suivi, mais à tel point que j'en avais honte. Je me disais, mais c'est pas possible, ils sont trop gentils, quoi. Et ben aujourd'hui, j'ai réussi à faire premier contrat de travail et tout ça, et la première chose que j'ai pu faire avant moi-même, c'est de les engager. Jean-Baptiste Tuzet, pour terminer cette émission, on peut écouter donc Crooner Radio? On peut écouter Crooner Radio. Alors là, on est les champions du digital. On a l'application sur iPhone, Android, sur Internet, partout. Vous faites sur Google, vous faites Crooner et vous tombez sur nous. Et bien sûr, c'est ça le plus important, en radio numérique terrestre, en DAB et RNT. Si vous avez le poste qui reçoit, vous pouvez nous écouter à Nice, à Monaco, et puis là, très prochainement, à Paris, nous allons reprendre la diffusion. Merci beaucoup Jean-Baptiste Tuzet, et à bientôt. Merci à vous.